Donnant ta manu, la digue, la digue. Donnant ta manu, la digue, la digue, la digue, la digue, la digue.